Qui n'a jamais pensé venir en aide aux autres? Le baromètre de la générosité ne cesse de monter, et c'est en hiver qu'il atteint généralement son pic. La moitié des Français donnent vêtements, argent, nourriture au moins une fois par an. Mais à qui donnent-ils et pourquoi? 1. Moi, je donne un peu de façon égoïste. En fait, je cherche plus à rencontrer des gens, alors je donne de l'écoute. Je parle beaucoup avec les personnes sans logement, ceux qui sont en marge de la société. J'essaie de comprendre ce qu'ils vivent. 2. Je dirais que c'est un peu pour me déculpabiliser. J'ai toujours eu en moi ce souci de donner aux autres, aux moins chanceux. À côté de chez moi, il y a une association qui s'occupe des étrangers. Je les aide dans leur démarche en remplissant des papiers, par exemple. 3. J'ai une fille qui est handicapée. Du coup, je me suis tournée vers Handicap International afin de trouver des semblables. On a toujours un peu peur d'être différent et quelque part, c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul. 4. Je donne des vêtements à Pivette, une association locale qui collecte vêtements, chaussures et linge de maison. Cette association a pour objectif de créer de l'insertion professionnelle. Je trouve que c'est une bonne façon de faire travailler les autres. 5. De l'amour. Beaucoup d'amour aux enfants malades. Je les regarde, je leur parle, je chante de manière à ce qu'à la fin de leur journée, ils aient l'impression d'avoir eu un peu de soleil dans leur chambre d'hôpital. Quand j'étais petit, j'étais dans un foyer. Et c'est sans doute par manque que je donne à ces enfants.